Je suis mal dans ma peau ce soir. Je suis seul sur la terre, sous une lune noire. Je suis mal dans ma vie ce soir. Comme un oiseau bizarre qui ne tient pas en l'air. Et je vais sous la pluie à Paris, France. Et dans les rues je suis comme en souffrance. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je suis mal dans ta peau ce soir. C'est la fin d'une histoire, faire l'amour de mémoire. Je suis mal dans ta vie ce soir. Je ne veux plus me voir dans ton regard miroir. Ma musique même n'est plus la même. Il y a comme un défaut à mon piano. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Oh non, je ne sais pas. Oh non, je ne sais pas.